Vous connaissez tout. Salut les amigos. T'étais tellement pas prêt. Ah, vous me connaissez, je suis un mec courageux. Ouais. J'ai mis mon réveil à 8h40. Pour être à l'heure aujourd'hui. Alors, dites-moi que je ne recule devant aucun sacrifice. C'est pour ça que Verdun et tout ça me touche. Ouais, les commémorations de l'armistice, ça, je m'identifie. D'autant que traditionnellement, en Belgique et France, on a toujours combattu côte à côte. Enfin, ça, c'était avant la Coupe du Monde. Depuis le scandale du 10 juillet, je peux vous dire que si l'Allemagne veut passer par chez nous pour vous envahir, on leur donnera des duits chez du Gatorade. Hein. Je peux vous dire franchement. Vous avez dit, ouais, c'est ce que vous avez fait en 30... ah, ce que vous avez fait en 39. Oui. Oui, c'est vrai. Mais bon, désolé. Après, nous, il faut comprendre, on est une petite armée. Hein. Tu nous attaques avec une meute de scouts. Je mets les scouts à 7 contre 1, honnêtement. En plus, l'Allemagne. À l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, mais ils étaient déterminés quand même. Ils avaient la grinta quand même. Et c'est pas le sujet, mais alors le sujet c'est la guerre, les amis. Alors je vous en parle parce que je crois qu'autour de cette table, je suis peut-être le seul à l'avoir vécu au plus profond, au plus profond de sa chair. J'ai été blessé pendant la première guerre du Golfe. Sérieux, j'avais 10 ans, je me suis fait larguer par ma petite bonne amie de l'époque dans des conditions abominables. Même pas un merci pour le bout de bois que je lui avais offert à la Saint-Valentin. Alors, et ça n'enlève rien à la souffrance des 700 000 soldats qui sont morts à Verdun. Je dis juste que la guerre ça va, je connais. Tu vois, c'est bon. Quand je vois Macron qui parle sans savoir, je dis. Mec, demande-nous d'abord, demande-nous à ceux qui savent. Ceci dit, nous, 700 les 000, oui, les gens qui ont souffert à la guerre. Ceci dit, 700 000 morts à Verdun, 700 000 morts. Mais des gamins en plus. Non, je ris pas, mais des gamins quoi, 17, 18 ans, 20 ans, c'est des gamins. Imagine des gamins de stage là aujourd'hui dans les tranchées. Général qui fait à l'attaque. Attends deux secondes, mon général, je termine ma story. Là, j'arrive pas à vous taguer. C'est quoi votre blase sur Insta? Parce que là, je mets hâte votre nom et j'ai que des fake profil de Kanye West. Sinon, comment vous le sentez, vous, en général? Je mets hashtag victoire ou hashtag défaite? On a une chance. Ça va si je snap un obus. Mais, parce que ce serait un autre game. Vraiment. Même moi dans les tranchées, lol. Je vois déjà dans quel état je suis quand je fais une tâche sur un ourlet. Vraiment, imagine deux ans dans la boue, ouais, impossible. À Verdun, moi je me serais rendu après 6 minutes, je crois. Ah, c'est bon, j'ai un début de sinusite, j'arrête. Vraiment, c'est vrai, ceci dit, blague à part, 700 000 morts, putain, 700 000 morts. Sapiens, tout le monde dit qu'on est une espèce intelligente à cause de l'émission Le Dessous des Cartes. Et c'est vrai que c'était bien Jean-Christophe. Non, Jean-Christophe Victor, il nous manque, franchement, depuis que c'est présenté par Jean-Michel Maire, il n'y a plus la magie. Mais c'est vrai que parfois, Sapiens, on est con comme des œufs durs. Vraiment, j'ai jamais compris par exemple pourquoi on envoyait toujours les très très jeunes à la guerre, parce que d'un point de vue de la survie de l'espèce, c'est absurde que ça me donne envie de crever dans un oui transfert. Vraiment, et c'est vrai, c'est quand même plus logique d'envoyer prioritairement les vieux, ouais. Non, à la guerre. Ouais. Je dis pas ça contre nos auditeurs. À choisir, je préférais que vous puissiez rester bien à l'aise dans votre EHPAD à repenser à l'époque où vous étiez enseignant. Et commencez pas à envoyer des lettres pour dire Ernesto. Voilà, je veux même pas lire la suite de votre lettre. S'il y a bien quelqu'un qui respecte les vieux dans cette émission, c'est Nagui, pour la bonne raison qu'il en est un. Mais c'est pas un manque de respect. Je dis juste qu'on pense jamais. On pense jamais en tant qu'espèce, Sapiens. C'est un truc de fou. Il y a du positif dans la Convention de Genève, par exemple. C'est vrai. Voilà, article 4, voilà, sur un champ de bataille, tu peux pas te moquer des cheveux. Parce qu'on part du principe que c'est pas de ta faute. Parfois, tu demandes au coiffeur juste un peu rafraîchir. Lui, il entend 9 cm enlevé. Et derrière, tu ressembles à Godefroy de Montmirail. Mais c'est pas de ta faute. Eh bien, les Conventions de Genève, elles empêchent les gens de rire de toi. Et ces conventions, c'est juste Sapiens, en fait, qui s'est engagé avec un autre Sapiens à respecter certaines limites. Ça veut dire que c'est possible, en fait. On peut le faire. On pourrait, par exemple, étendre la Convention de Genève et dire voilà, on fait la guerre, mais juste en été, par exemple. Déjà, dans un stade, à 11 contre 11, et on tient enfin compte de la possession et des gens qui essaient de bien jouer au football. Allez, entre ça, bien, tout est possible. Voilà, exactement. Allez, bonne émission. On a gagné contre la Belgique, monsieur, c'est tout.